Bonsoir, ma Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah, certes, dit-elle, ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. Puis croyez au discours des vieilles personnes qui trompent la jeunesse. Au diable soit le fruit !» Elle jette la noix. Un singe la ramasse, vite, entre deux cailloux la casse, l'épluche la mange et dit « Votre mère eut raison, mamie, les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que, dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. » Dans le long filum de notre évolution, pour mieux voir ce que nous sommes, regardez à côté, Carbone 14 bifurque aujourd'hui chez nos cousins les singes. Dans cette fable du XVIIIe siècle finissant, Clarisse de Florian relate une étrange pratique propre aux chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest, les singes casseurs de noix, qui tentent à montrer que l'outil n'est pas le propre de l'homme. Et alors, me direz-vous, paru dans la revue Nature sous le titre « Why Monkeys Flake Stone Tools », un article relance aujourd'hui le sujet via de petits capucins vivant dans la forêt brésilienne. Et si les plus vieux outils de l'humanité étaient produits par des singes? Sourire simiesque et préhistorique consternation. Pour en parler, Éric Boéda, bonjour. Bonjour. Préhistorien, incontournable spécialiste des périodes anciennes, œuvrant sur trois continents. Éric Boéda, vous êtes professeur à l'Université de Paris-10-Nanterre et à l'Institut universitaire de France. Vous travaillez d'ailleurs actuellement sur les plus vieux outils humains mis au jour sur le continent américain, au Brésil justement. Nous en reparlerons. Vivant paisiblement en communauté, ces petits capucins brésiliens, Sapajus libidinosus, ont l'air fort sympathiques. Toutefois, l'un d'eux s'adonnerait à une pratique frénétique, obsessionnelle, Éric Boéda? Oui, ça c'est vrai que quand on voit la vidéo, on le trouve un peu frénétique. Alors ce petit capucin que nous connaissons bien, puisque quand nous fouillons les mois d'été pour nous et les mois d'hiver là-bas, nous sommes en compagnie de ces petits capucins qui viennent nous voir et qui ont l'habitude de guetter nos départs pour plonger dans nos sacs et aller chercher effectivement de la nourriture. Ils vivent libres, mais ils sont en contact des humains puisqu'on leur donne à manger, voilà, et même les éthologues leur donnent à manger. Donc, ils sont pas tout à fait sauvages. Ils nous connaissent et nous on les connaît. Alors, parmi eux, un seul taillerait le silex, ou du moins frapperait sur le silex. C'est pas du silex d'ailleurs, c'est du quartz. Oui, je pense qu'il faut aux lecteurs leur conseiller d'aller voir la vidéo qui est libre sur YouTube. Et c'est très différent de l'article, parce que le titre de l'article, il parle de Stone Tools. Et quand on regarde le film, qu'est-ce que l'on voit? Paysage, on est dans un conglomérat, c'est-à-dire des galets pris dans une espèce de pâte graisseuse et qui, comme une surface boutonneuse. Et on voit un capucin prendre un bloc et fracasser un des galets qui est prisonnier donc de cette matrice graisseuse. Et à chaque fois qu'il frappe, au bout de 3-4 coups, il commence à lécher effectivement les déchets qui proviennent de la fracturation du bloc qu'il essaye de détruire d'une certaine manière, et du percuteur qui est lui-même un bloc qu'il a récupéré en périphérie. Alors on ne sait pas trop au niveau des matières premières si c'est du quartz ou du quartzite, c'est deux matières qui sont tout à fait disponibles et en nombre équivalent dans cette zone-là. Alors, là où il est effectivement besogneux, c'est que une fois qu'il a léché, il continue, il prend le bloc, il continue à prendre le même bloc, et il frappe, il lèche, il frappe, il lèche. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les éclats qu'on observe ne sont pas recherchés pour eux, mais sont la conséquence du choc. Ce qu'il recherche, lui, c'est l'écrasement des deux blocs pour produire de la poussière qu'il va lécher. Bon, à un moment donné, vous frappez deux noix l'une contre l'autre, évidemment, vous allez provoquer, vous allez obtenir une fracture des coquilles. Mais vous ne recherchez pas la coquille, vous recherchez la noix. Et le singe, il a recherché la noix et il n'a pas recherché les éclats. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il met de l'ardeur à la plus grande indifférence des autres. Oui, ils sont. En fin de compte, il est seul. Il est seul à faire ça. Mais il y a d'autres films qui ont été faits où on voit que il y a des singes comme ça qui sont très originaux. J'ai le souvenir d'une femelle qui voulant se faire remarquer d'un mâle, lui envoyait des cailloux comme ça à distance. Et à un moment donné, elle l'a touché. Bon, ça commençait un peu à l'énerver, ce jeu. Et donc, elle a réussi à le toucher. Et puis là, il la course. Mais voilà. Et c'est pas des comportements répétitifs. C'est des comportements très, très individuels. On a d'autres exemples où il y a des singes qui jettent des cailloux contre les jaguars. Voilà. C'est des petits singes extrêmement malins. Mais ils sont pas dans l'habitus, comme dirait Ursel à ce niveau-là. C'est peut-être des découvertes individuelles, de l'innovation individuelle. Et c'est pas du tout intégré. Disons que, en tout cas, nos amis éthologues n'ont jamais signalé, je dirais, que ces pratiques sont partagées. Alors, pourtant, on voit d'autres capucins les regards de fer. Donc voilà, on est plutôt dans le comportement individualiste de la création spontanée plutôt que dans la transmission. En tout cas, de toute façon, l'article ne parle pas de ça. Et quand on voit les films, c'est des bouts de films, donc on n'a pas la totalité du film. Pourquoi l'échelle quartz ? Ah, je veux dire, nous, on mange bien de l'argile. Donc, moi, je pense que... Je veux dire, ce qui serait mieux, c'est de pouvoir les interroger, les interviewer. Là, on est un peu coincé. Et ce qu'il faudrait, c'est faire des études sur leur excrément pour voir avant et après. Pour voir si effectivement, par exemple au niveau infectieux ou au niveau des équilibres, en sels minéraux dans ses excréments, qui traduirait ce qu'il a effectivement dans son volume sanguin, ça lui apporte quelque chose. Ou voilà, c'est ce qui avait été fait d'ailleurs pour au Gabon, je crois, sur des chimpanzés, où il y avait une vétérinaire éthologue qui avait récupéré les excréments et qui avait pu ainsi dire effectivement qu'il se traitait, puisqu'elle avait la preuve qu'il était malade, et après l'ingestion de ses feuilles, il avait guéri. Et là, il faudrait faire ça pour savoir la raison. Mais il insiste, donc ça doit effectivement être important. Là, à un moment donné, on le voit aussi prendre... Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il prend. Est-ce que c'est de la poussière ou des éclats? Et il se frotte la tête. Donc, il a peut-être trouvé un truc. En tout cas, c'est un cas unique. Pour l'instant, c'est un cas unique, mais ce serait intéressant, je veux dire, parce qu'il y a, à la limite, dans la mesure où ils cassent des noix tous, on pourrait très bien imaginer que sa découverte, donc son invention devienne une innovation. Voilà, ça c'est possible, ce serait intéressant à voir. Oui, on sait par exemple qu'en Ouganda, certains singes mangent des feuilles urticantes justement pour se purger. Ce capucin barbu n'a pas la volonté de produire des éclats tranchants, capables d'être réutilisés par la suite. C'est bien ça, Eric Boïda ? Ben oui, disons que en tant que technologue, parce que nos amis éthologues ne sont pas technologues, ils observent les comportements des animaux. Nous, notre spécialité en tant que technologue, c'est qu'on observe les comportements techniques et on travaille dessus. Et donc, et puis il y a d'autres films aussi qui vont dans le même sens, mais sur d'autres sujets, mais qui vont dans le même sens, toujours à propos de ces capucins. Ce qu'on observe, c'est que, en fin de compte, il utilise la masse de la matière minérale et son caractère plus ou moins compact. Et il l'utilise d'ailleurs de la même façon pour casser des noix. Il l'utilise de la même façon pour faire fuir le guépard en lui jetant des cailloux. Et il l'utilise là encore pour fracturer un autre bloc pour pouvoir le lécher. Et donc les éclats qui résultent de ces fracturations sont, si le choc est violent, alors contre une noix, la noix est plus fragile évidemment que le bloc, donc il y a très peu d'éclats. Par contre, quand vous tapez sur un bloc, évidemment, le risque, c'est effectivement de casser le bloc et donc de produire des éclats. Mais les éclats ne sont que la cause, c'est pas la finalité. Et on le voit bien puisque le capucin ne se sert absolument pas des éclats. Limite, s'il se resserre des éclats, c'est pour de nouveau le fracturer pour pouvoir obtenir encore de la poussière. Mais on a vu aussi des capucins qui creusaient avec des outils. Exactement. Alors, là, est-ce qu'on ne peut pas parler d'outils ? Ah, mais de toute façon, c'est... Alors, dans le cas du propos, c'est-à-dire la fracturation et l'obtention d'éclats, là, je pense pas que les éclats soient des outils. C'est uniquement le percuteur qui est un outil. Et c'est le même type. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes gestes que quand vous cassez une noix. Donc, je reviens dessus. Vous tapez avec un bloc pour casser une noix, c'est pas le percuteur qui se casse, c'est la noix. Quand vous tapez avec un percuteur sur un bloc de pierre, à un moment donné, que ce soit le bloc de pierre ou le percuteur, ils vont automatiquement se casser. Alors, le caractère incisant lié aux éclats, bon là, on peut le rejeter. Moi, j'ai vu d'autres films que m'avait montré Thiago, donc l'un des éthologues qui publie le papier. Et ça m'avait surpris au début. Et il y avait un film où on voyait une guenonche, une femelle, et qui était en train de creuser avec un caillou pour aller chercher des araignées ou des racines. Je me souviens plus très bien. Et on la voit à un moment donné, elle prend une petite plaquette et elle se sert de cette plaquette comme une houe. Ah, je me suis dit, c'est génial. Ça y est, on a, moi, j'ai pu dire, on a la preuve, effectivement, de l'utilisation d'un des autres caractères de la matière minérale, c'est de produire des tranchants naturellement par l'écart de chaleur ou tout simplement par la compression. Donc je me suis dit, c'est génial, ça y est, on a les caractères incisants. Et puis il me dit, ouais, mais tu vas voir, il y a d'autres films. Et je regarde un autre film. Et toujours du jour des Capucins. Et cette fois-ci, environnement différent. On est exactement dans le même cas que ce jeune Capucin. Et à ce moment-là, on voit prendre le Capucin prend indifféremment n'importe quel galet au sol et il va faire exactement le même geste. Et il utilise, alors il fait deux coups, puis le galet se part, il en prend un autre sans regarder d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, il n'y a absolument pas de sélection de l'objet. Et quand on regarde les objets qu'il a utilisés, je veux dire, c'est comme si vous vouliez creuser avec un ballon de foot, quoi. Je veux dire, à un moment donné, bon, alors qu'il y avait des galets qui avaient une morphologie plus adéquate. Donc en fin de compte, je me suis dit, le choix de l'objet pour creuser n'est pas lié au caractère spécifique de l'existence d'un tranchant, mais tout simplement parce que là où il y avait des plaquettes, il n'y avait pas de galets, et là où il y avait des galets, il n'y avait pas de plaquettes. Donc, il utilise toujours la masse pour ouvrir la terre, entre guillemets, comme pour casser les noix, comme pour casser son bloc pour le lécher. Éric Boïda, chez les singes casseurs de noix d'Afrique de l'Ouest, donc les chimpanzés, les outils sont bruts et non réemployés par la suite. Cela semble être un critère important. Ben, alors, je me permettrai qu'il y a d'autres observations qui montrent que les enclumes, les enclumes sont souvent, dans certains cas, sont réutilisées. Et donc, ils savent très bien où ils ont laissé leur enclume. Mais autrement, le percuteur, non. Le percuteur, c'est à peu près tout et n'importe quoi dans l'environnement immédiat. Mais donc là, il y a une réutilisation. Autrement, l'objet qui... ce qui est récupéré, c'est les objets dormants. C'est pas les objets qui sont en mouvement. En tout cas, dans ce qu'on sait maintenant. Mais disons, la principale différence, c'est que aucun des singes, qu'ils soient chimpanzés ou macaques, n'utilise le tranchant. Voilà. Alors, ils en produisent, mais comme je disais, c'est pas la finalité, c'est la conséquence de quelque chose. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Éric Boïda, qu'en est-il de l'apprentissage ? Un sujet qui, bien sûr, intéresse en général les préhistoriens, peut-être un peu moins les éthologues, et pour cause. Oui, disons que l'apprentissage, c'est important pour nous parce que ça renvoie évidemment à une organisation sociale, évidemment. Mais l'apprentissage, vous savez, on l'imagine toujours par rapport à nos propres critères où on est, nous, sur les bancs de l'école et puis on a le maître et ainsi de suite. Il y a un autre mode d'apprentissage qu'on retrouve très bien dans des civilisations moins développées sur un plan technique, qui est celui ce qu'on appelle de l'imprégnation. L'enfant regarde son père ou sa mère faire, et qu'à partir de là, il va faire la même chose. Moi, j'ai un très bel exemple, parce que quand je suis tailleur de cailloux, donc je taille des cailloux, et je fais des écoles de taille. Et puis, j'ai eu un jour un de mes fils, qui était petit, il avait 3 ans. Et il avait l'habitude d'être à côté de son papa, et spontanément, il prenait un caillou et il taillait, il faisait comme papa. Puis il a grandi, mais bon, il avait 7-8 ans, donc il est un peu plus costaud. Et j'ai fait un biface, et il a fait un biface. Et les étudiants, ils étaient... voilà. Il a dit, vous lui avez expliqué ? J'ai dit non, jamais. Alors, il ne savait pas l'expliquer, l'objet, ce que c'était, mais il a reproduit un biface. Et il savait que c'était pour couper de la peau ou de la viande. Donc, il avait entendu, il n'y a jamais eu de transmission. Donc, mais par contre, c'est la cellule familiale, je veux dire, c'est la structure, c'est la stabilité qui fait que l'enfant a accès effectivement à des travaux par la vision, par le voir. Donc sa perception suffit à lui faire obtenir un minimum de connaissances parce qu'il va être dans la reproduction de quelque chose. Bon, alors il y a toujours un langage, hein. Je veux dire, effectivement, il y a une communication qui s'opère, mais cette communication n'est pas de l'ordre du maître à l'élève. Élève, on fait comme ci, fait comme ça, je veux dire, vous voulez faire un gâteau avec votre mère, je dirais, ah, maintenant on met plus de farine, mais moins d'eau, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, alors c'est important, alors quand il y a transmission, ça se voit parce qu'il y a des écarts de connaissances. Et les choses sont répétées dans l'erreur, c'est celui qui apprend, et répétées dans la perfection, c'est celui qui enseigne. Et là, en plus, spatialement, on arrive à retrouver des lieux d'activité, voilà. On retrouve l'école, globalement. Donc ça, c'est possible, mais c'est beaucoup plus tardif. Vous connaissez bien, Éric Boéda, cette région du Brésil, puisque vous y avez trouvé les plus vieilles industries lithiques du continent américain. Alors, disons, je travaille effectivement dans cette région depuis 2008, mais ce n'est pas moi qui ai trouvé les plus vieux vestiges, c'est Niette Guidon, dans les années 80, qui avait commencé des fouilles, non pas pour chercher les objets les plus anciens, parce qu'elle était spécialiste de l'art rupestre, mais c'était pour effectivement avoir la chance de pouvoir dater cet art rupestre qui a été fait avec des objets de l'ocre et absolument pas de matière organique. Donc ils sont indatables. Donc elle a commencé à fouiller, espérant qu'il y avait un morceau de plaque avec des peintures qui seraient coincées entre deux niveaux archéologiques et comme ça pouvoir dater. Et comme elle a une formation française, donc on lui a appris qu'il fallait jusqu'au Benrock, donc elle est allée jusqu'au Benrock. Et en descendant, elle a trouvé des objets, bon, comme ceux associés avec les peintures, mais il n'y avait pas de peinture. Bon, voilà, donc elle descend, elle trouve des objets, bon, très bien. Et puis elle fait des datations. Alors là, les datations, ça a sorti 15 000, 20 000, 27 000, 30 000, 35 000, 38 000. Elle a refait faire des datations. Il y a eu deux nouvelles fouilles. Je veux dire qu'elle s'est pas lancée dans la comme ça. Elle a fait venir des experts et tout le monde a dit oui, c'est taillé, oui, c'est bien daté, oui, c'est bien en position stratigraphique. Mais elle était en avance de 50 ans sur son siècle. Donc, elle a été assassinée scientifiquement, en disant alors c'est soit vous fouillez mal, soit c'est mal daté, soit vous savez pas lire les cailloux, et ainsi de suite. Et c'est une situation très étrange parce que à cette période-là, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites. Alors je citerai les sites, je citerai pas les noms pour pas choquer les gens. On a le site de Midcroft, on a le site de Monteverde en Chili, Midcroft sur les côtes ouest. Et là, il y avait des dates pas aussi anciennes, mais presque 19 000, 20 000, 30 000 ans. Donc on aurait pu croire qu'il y aurait une communauté de défense. Et en fin de compte, chacun a été martyr chez soi et assassin, c'est l'autre. C'est-à-dire que les plus virulents, en fin de compte, c'est ceux qui avaient trouvé les choses les plus anciennes. Donc moi, je suis revenu là-dessus parce que j'ai vu les cailloux et je me suis dit, écoutez, bon, franchement, bon, c'est pas possible, quoi. Et puis, c'est exactement ce que je trouvais en Chine, c'est exactement ce que je trouve en Corée. Donc et c'est ce que je trouve des fois dans le Massif central ou en Dordogne. En Lot-et-Garonne. Donc je me dis, mais pourquoi eux auraient le droit au statut d'outil et ceci pas au statut d'outil? Et là, on se rend compte qu'on se confronte à un paradigme qui était horrible et qui maintenant, ça y est, a été une statue qui a été déboulonnée, qui est le paradigme de Clovis, qui voulait qu'en fin de compte, les premiers habitants, les premiers hommes modernes aient pénétré en Amérique à partir de 12 000 ans. C'est une chose assez surprenante parce que quand on si on prend les théories des généticiens qui veulent que l'homme moderne ait diffusé à partir, disons, de 100 000 ans du Proche-Orient, puisqu'on a du sapiens moderne en Chine à 110, 120, bon. On les suit jusqu'en Australie à 50 000 ans, donc dans le confin, hein, je veux dire, même en Papouasie à 20 000. On sait qu'ils sont au nord de la Chine, qui fritouillent en Corée, en Sibérie, dans ces zones-là. à plus de 100 000. Donc on se dit, pourquoi ils ne seraient pas passés? Je veux dire, s'ils ont réussi à aller en Australie alors qu'il y a 100 km, je veux dire, de navigation à faire, là, stade isotopique 3, à partir de 50 000 ans, on peut traverser la Béringie à sec. Et puis, il n'y a pas cette espèce de glacier des Laurentides qui vient bloquer l'Amérique du Nord. Donc, moi, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, et souvent, je discute avec des collègues américains, ils me disent, bon, c'est pas trop pourquoi ce paradigme est devenu si bloquant. Voilà, c'est ça. Alors, nous, notre principe, il a été de dire, écoutez, on va fouiller, et puis on va surtout multiplier les sites, parce que si on a affaire à une occupation humaine, je veux dire, c'est pas Robinson Crusoe. On doit faire à une occupation durable sur le temps long et dans l'espace. Donc, on a multiplié les séquences et on a 7 sites archéologiques maintenant, tous datés. Alors, les dates que l'on a sont pas aussi anciennes que Niède Guidon. On est aux alentours de 33, 30 000 ans, au plus vieux. Des outils de 35, 33, voire 20 000 ans en Amérique. D'accord. Mais vos pierres taillées pourraient-elles être l'œuvre du premier Américain ou d'un vieux sapajou? Bah écoutez, là, je prendrai un exemple très simple. Vous prenez une exposition de dessins d'enfants de maternelle et vous mettez un Gréco ou un Goya ou un Rembrandt plein dans cette exposition-là. Si vous demandez à l'enfant de maternelle, il y verrait un autre dessin. Si vous y mettez un historien de l'art ou un galliériste, il vous dira, ah, c'est pas possible, je veux dire, attendez, qu'est-ce que c'est, vous savez ce que c'est, la valeur et tout et tout. Donc, en fin de compte, vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, c'est assez surprenant. Donc, je vois pas très bien pourquoi les auteurs font appel à cet article, à ces données-là. Soit, je pense que ça doit être une erreur. Parce que si ça n'avait pas été une erreur, ils auraient développé plus longuement. C'est-à-dire que dans votre fouille, vous avez des outils, et des outils d'une gamme assez variée? Oui. Un outil n'est pas ce qu'on voit. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est ça. Je veux dire, on travaille sur des objets dont on n'a plus la mémoire. Alors déjà, on n'est plus dans un monde de techniciens. Donc, quand on donnait un biface à des chercheurs du XVIIIe siècle, ils vous disaient tout de suite, c'est la partie préhensile, c'est la partie transformative. Ils disaient ça, vous voyez, c'est un tranchant à voyer, c'est un tranchant linéaire. Donc, ils avaient une connaissance artisanale de l'objet. D'abord, nous, on n'a plus de connaissance artisanale. Ça, c'est réglé. La deuxième chose, c'est que ces objets eux-mêmes n'appartiennent plus à un autre registre. C'est-à-dire que c'est pas des pointes de flèche, c'est pas des grattoirs, c'est pas des burins, c'est des choses qui sont autres. Bon. C'est comme pour nous, c'est comme la civilisation d'Asie de l'Est par rapport à un occidental. Ils sont autres, voilà. Alors, il y a le problème de l'altérité et de la reconnaissance de l'autre derrière cette histoire-là aussi. Il faut pas oublier que la préhistoire elle est occidentale et qu'on n'aime pas trop trouver des choses qui ne ressemblent pas à ce que nous, on est susceptible de trouver dans nos périodes et dans nos lieux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est quand on sait lire un caillou, on se rend compte que si on décompose un caillou en une partie qu'on a dans la main pour la gestuelle et une partie qui est au contact de la matière d'œuvre pour réaliser l'objectif, on se rend compte que, on a dans notre outil des couteaux à pain, des couteaux à décongeler, des fourchettes, des petites cuillères, toute la batterie classique d'un outillage qu'un bricoleur a chez lui. Voilà. En tout cas, Éric Boïda, les sapajous tentent de vous voler vos silex? Oui. Ça, c'est, mais comme ils nous aiment bien, le problème, c'est comme que ce soit la Fondam qui dirige le parc ou que ce soit les éthologues, comme ils leur donnent à manger, dès qu'ils voient un humain, pour eux, égale nourriture. Et donc, ils viennent, quand on s'absente pour aller manger ou pour se mettre, on se met un peu à l'écart de la zone de fouille. Et si par malheur, on laisse nos sacs sur la zone de fouille, on a la visite de nos amis capucins et on retrouve. Alors, ils viennent pas récupérer les silex, je rassure, mais par contre, on les retrouve complètement éparpillés sur le sol. Donc, parce qu'ils cherchent non pas à utiliser nos cailloux, les tranchants de nos cailloux, mais ils cherchent à utiliser éventuellement ce qui est susceptible d'être mangé. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture Carbone 14, je rappelle que nous évoquons avec Éric Boïda la découverte de singes tailleurs de silex au Brésil et ses liens, bien sûr, avec les plus vieux outils créés par l'humanité. Justement, l'année dernière, l'équipe française de Sonia Armand découvrait les plus vieux outils de l'humanité au Kenya. Cette découverte n'est absolument pas remise en cause par nos capucins. Non. C'est, en fin de compte, le débat n'est pas de la... je dirais de la remise en cause que ces objets sont bien des outils. Parce que de toute façon, il y a un problème. Je veux dire que quand vous regardez le film, Et quand vous regardez l'article ne présente que ce qui est susceptible de ressembler à de l'humain. Or, si vous prenez la totalité des déchets qui sont produits par le capucin, en fin de compte, ça représenterait plus que 5%. Donc c'est toujours le même problème, hein. Je veux dire, si vous sortez un objet de son lot, c'est pas très représentatif du lot. Donc, c'est-à-dire que vous dites que le papier est un peu biaisé. Oh, je me permettrai pas. Je dirais que il y avait une idée derrière la tête qui était évidemment il était un peu provocant. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été accepté dans cette revue. C'est parce que ça remettait en cause, globalement, le caractère anthropique des artefacts. Alors, c'est un vieux problème. Parce que le roi Gourand, à un moment donné, il utilisait le terme d'anthropos. Et il voulait, effectivement, il disait qu'il y avait une rupture entre le singe et l'homme parce qu'il fabriquait des outils. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas que l'homme qui fabrique des outils. Alors, là, il faut être très clair. Si le chimpanzé, enfin les singes, ont fabriqué ces outils-là il y a 2,5 millions ou 3 millions d'années. La bonne question, c'est pourquoi ils n'ont pas progressé? Parce que maintenant, ils ne font pas mieux. Voire même, ils n'utilisent pas les tranchants. Alors qu'un individu qui est l'homo, la lignée de l'homo, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé les tranchants. Mais en tout cas, à un moment donné, il a rencontré l'histoire du tranchant. Et cette rencontre avec l'histoire du tranchant, il l'a complètement modifié. Et donc la spécificité humaine est effectivement cette capacité à transformer les choses. Et moi, j'aime bien dire que la spécificité humaine, c'est son instabilité. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, on pourrait rouler tous en deux chevaux. Bon, pourquoi on a changé effectivement de voiture? Pourquoi on fait évoluer? Pourquoi nos ordinateurs sont de plus en plus plus vite, je veux dire. Et donc, en fin de compte, on retrouve les mêmes procédés pendant la préhistoire. Chaque lignée d'objets va évoluer. D'ailleurs, on dit toujours archaïque évoluer. Ça veut dire qu'il y a un changement. Et donc, l'homme, en tout cas, à partir de l'Homo habilis, donc, il semblerait effectivement que. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Je ne sais pas si c'est les singes qui l'ont inventé. Ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les changements. Et pour l'instant, les singes n'ont jamais changé. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, ce petit capucin, il a inventé quelque chose. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que ça va en devenir? Est-ce qu'il a la capacité cérébrale pour en faire autre chose? Est-ce que la structure sociale va lui permettre d'en faire autre chose? Voilà les bonnes questions. En tout cas, datés de 3,3 millions d'années, ces outils ne peuvent appartenir pas aux premiers hommes, puisque les premiers hommes n'existaient pas encore, le genre homo n'existait pas. Donc c'est forcément encore quelqu'un, on va dire, de plus frustre, de plus ancien qui l'a inventé. Ce n'est pas l'homme qui a inventé ces premiers outils. Alors bon, on est toujours... Disons que le seul individu qui est contemporain de ces découvertes, c'est le Kinyapithecus. Et d'accord, on ne dit pas Kinyanthrope, donc ça veut dire qu'on ne le considère pas comme un humain. Oui, pour l'instant, c'est lui ou la famille des Australopithèques. Mais moi, ça me choque absolument pas. Franchement, ça me choque absolument pas. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le moment où on découvre, c'est effectivement le caractère innovant et la diffusion. Je veux dire, c'est ce que va en faire le groupe qu'il a inventé. Et les outils à 3 millions d'années, à partir de 3 millions d'années, il y a un trou quand même, parce qu'on les a trouvés à 3 millions d'années, 3 millions 3, et les autres, c'est à 2 millions 7. Donc, il y a quand même un écart quand même de 600 000 ans. Alors, donc, il y a des questions quand même. C'est pas le paradis quand même. Il y a des questions nombreuses encore à laquelle il faut répondre. En tout cas, Éric Bréda, vous ne cherchez pas du tout à mettre en valeur l'homme. En revanche, il n'y a pas de planète des singes? Voilà, je veux dire que si, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vraiment les singes avaient commencé, avaient été les premiers, ce que moi je leur, à la limite, pourquoi pas, moi ça me gêne absolument pas, la question c'est pourquoi ils n'ont pas évolué. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique, Catherine Déreté avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.